L'homme au roman policier de Juliette Parry. Chapitre 1. Le rival d'Edgar Wallace. Jim Joy, auteur de romans policiers, contemplait sombrement son thé, ses toasts beurrés, ses œufs au lard, son porridge, son roast beef froid, son grape fruite et sa marmelade d'orange. En un mot, son premier déjeuner léger. « Jimmy, vos œufs au lard vont refroidir, » dit doucement May. « Mes œufs au lard, elle me parle de mes œufs au lard quand je pense à mon roman policier. »« Un peu de porridge, Jimmy, c'est très bon pour les intellectuels surmenés. »« Vous ne vous rendez pas compte des affres tragiques de ma situation, May. Je me bats dans les tourments de la création et vous m'offrez une tartine au lieu d'un titre et des Quaker Oats à la place d'une intrigue. Vraiment, Jimmy, je ne comprends pas votre agitation. Vous avez eu beaucoup de succès jusqu'ici. C'est bien cela qui me tourmente. Cessez de beurrer des toasts, May, et je vous dirai la vérité, à vous seul. J'ai eu beaucoup de succès, mais pourquoi? Parce qu'aucun de mes livres n'était de moi. Rassurez-vous, c'est moi qui les ai écrits, mais selon des formules toutes faites. J'ai utilisé des recettes à succès et le public m'a applaudi. J'ai fait 3 romans policiers, le premier à la manière d'Edgar Wallace, le second à la manière d'Agatha Christie, le troisième à la manière de Philip Oppenheim. Je suis un imitateur né. J'ai saisi les trucs et les ficelles du métier et, sans plagier les maîtres, j'ai réussi à me modeler sur eux. Mes 3 romans se sont vendus comme leur modèle. M'en demande un 4e. Mais Jimmy, puisque vous avez un don d'adaptation si parfait, pourquoi n'imiteriez-vous pas les grands classiques? Parce que je voudrais être lu, cher enfant. Les lycéens même ne lisent plus les classiques. Ils se contentent de les apprendre par cœur. Leur délectation, ce sont les grands maîtres S.R. policiers dont j'ai fait mes modèles. Je pourrais évidemment continuer selon la même formule et encaisser de gentils petits revenus. J'ai une presse formidable et je suis traduit dans toutes les langues. Mais l'ambition me ronge. Je voudrais faire un roman policier qui soit vraiment de moi. Des aventures, mais lesquelles? Je les ai toutes mises dans mes 3 romans. J'ai tout utilisé, tout, la poursuite en avion, l'accident de chemin de fer, l'incendie, le naufrage, les mines d'or de la Rhodésie, les sociétés secrètes, les documents politiques d'une importance mondiale égarés ou volés, 6 à 8 assassinats par volume, l'égorgement, l'étranglement, l'empoisonnement par des flèches rapportées des Indes, le détective au regard d'acier et aux muscles de bronze, la jeune fille noble et pure qui passe intacte à travers les pires dangers, la femme fatale, le génie criminel dont la présence invisible et sinistre vous glace d'un souffle de mort pendant 300 pages et qui se trouve être, à la fin, membre de la Chambre des Lords, les cachettes ingénieuses, les écritures chiffrées, les petits liftiers, lecteurs de Nat Pinkerton qui sauvent la situation au dernier moment, les narcotiques, le chloroforme. Mon héroïne a été chloroformée tant de fois que le plus robuste gaillard y aurait succombé. Le péril jaune, les fanatiques chinois, les étrangleurs sacrés, les serpents, les supplices, les déguisements, les évasions, les lettres truquées, la série d'assassinats mystérieux qui s'abat sur Londres. À propos, mais avez-vous remarqué que dans 99 romans policiers sur 100, une série de crimes mystérieux s'abat sur Londres? On croirait vraiment que la moitié des grands industriels, des lords et des hommes célèbres londoniens sont journellement assassinés et que chacune des boutiques de Whitechapel est le repère d'un sombre bandit. Pauvre Londres, qui ne s'en doute même pas. Je vous assure, Jimmy, que si vous vous consacriez à un autre genre de littérature... Assez, mais ne touchez pas au roman policier. Vous seriez lapidé par la foule et conspué par l'élite. N'oubliez pas que le roman policier tient sa tradition d'Edgar Poe et que le président Hoover en lit un tous les soirs avant de s'endormir, que Maurice Leblanc est le beau-frère de Maeterlinck. Mais à quoi bon multiplier les preuves pour défendre une cause gagnée depuis longtemps? Il ne s'agit pas pour moi de lire un roman policier, ou de ne pas le lire, de l'écrire, ou de ne pas l'écrire. Il s'agit de le vivre. Je me demande avec angoisse, ne seriez pas mais, avec une angoisse profonde, si les Williams, les Van Dyne, les Ferguson ont vraiment connu leur héros. Voilà des années que je cherche et que je ne rencontre ni le jeune millionnaire américain viril et généreux qui signe en souriant des chèques de 100 000 $, ni notre gentleman national silencieux, tenace et flegmatique, pilier du Secret Service, ni l'oriental mystérieux, doué de pouvoirs magiques, qui incarne le péril jaune, ni aucun des types indispensables à un bon roman d'aventure. Des types, mais des types! La moitié de mes droits d'auteur pour des types. Où sont-ils? L'homme à la tête sanglante, l'homme sans tête, l'homme sans visage, l'homme chauve, l'homme au sans masque, l'homme aux 1000 bras, l'homme au projecteur, l'homme au complet marron, l'homme au complet gris, l'homme sans complet. Où est-elle, la femme fatale? Jimmy, vous me faites peur. Pourquoi suis-je condamné, moi, la créature la plus pusillanime de la terre, à avoir un mari officier de police et un beau-frère auteur de romans policiers? Parlez-moi de votre mari officier de police. Le plus grand crime qu'il ait jamais mis à ma disposition, c'est le vol des 3 poules de la Coquetière, l'hiver dernier. Que diable! Un peu d'aventure dans tout cela, un peu de frisson, un peu de sang. Oh, Jim, pourquoi du sang? Interrompit May avec un reproche douloureux. Pourquoi, mon Dieu, cette curiosité sanguinaire? Pourquoi me faire vivre dans cette atmosphère de crime? J'en ai vu, moi, du sang. Sa voix douce se brisa sur un sanglot. Jim se mordit les lèvres et caressa gauchement sa tête blonde. Je suis une brute, May. Pardonnez-moi. Ne pleurez pas, petite sœur. Comment ai-je pu oublier? En effet, comment avait-il pu oublier que 3 ans auparavant, May avait vu un crime réel? La vieille Miss Legge, tante et tutrice de May, avait été assassinée dans la nuit par un maraudeur pour quelques misérables dizaines de livres. Il y a quelques 20 ans, Dorothy May, sœur cadette de Miss Marianne Legge, surmontant la timidité innée chez les femmes de cette famille et de cette époque, avait suivi de l'autre côté de l'océan Washington Quaker. Appuyée sur le bras vigoureux de Wash, elle se contentait de regarder son mari sans jamais lever les yeux vers les gratte-ciel qui lui donnaient le vertige. Bien qu'américain, Wash n'avait pas fait fortune. Et quand sa femme et lui avaient péri dans un accident de chemin de fer, leur fille, âgée de 17 ans, était restée à New York sans un seul cent. Miss Marianne Legge avait immédiatement appelé auprès d'elle son unique nièce, qui portait le nom de sa mère et avait hérité du manque de tempérament maternel. Née en Amérique, May avait le type et le cœur anglais. La mort tragique de ses parents avait accru jusqu'à la phobie sa crainte innée de la trépidation des grandes villes, des inventions modernes, des machines diaboliques de notre temps. Elle se plaisait infiniment dans le petit cottage de Farham, voisin de Guildford, où le pasteur aux cheveux blancs avait jadis marié ses parents, et où Miss Legge, sa tante, la comblait de caresses, de tasses de thé, de gâteries et de récits du bon vieux temps. La jeune fille avait joui de ce repos. Mais... Jim Joy regarda sa belle-sœur. Elle avait une expression qu'il lui connaissait bien, la bouche légèrement entrouverte, ses grands yeux étonnés fixés au loin. Elle était attendrissante d'impuissance, de fragilité, de douceur craintive. Jim soupira. Pourquoi fallait-il que cet enfant frêle et si facilement effarouché fût en proie à une sorte de fatalité sanglante? À peine avait-elle passé 1 an dans la vieille maison patriarcale qu'un crime horrible mettait en émoi tout le village. Un matin, on avait trouvé Miss Legge assassinée dans son lit. Il y avait du sang sur le tapis. La vitre de la fenêtre avait été enlevée à l'aide d'un diamant. La cassette à bijoux, où la vieille demoiselle mettait son argent, était fracturée. On reconstitua facilement le crime. La veille, Miss Legge, selon son habitude, était allé à Guildford, la ville voisine, prendre 20 livres à la banque pour ses dépenses courantes. Le budget des deux femmes était plus que modeste. En même temps qu'elle, était arrivé de Guildford un inconnu d'allure suspecte, au regard sournois, qu'on aurait vu rôder dans la journée aux alentours du village. Sous la fenêtre de la victime, dans les allées du jardin, il y avait des traces de pas, et sur les volets, les empreintes digitales d'un homme. Mais le malfaiteur lui-même avait disparu, on ne savait quand ni comment. Et malgré les recherches effectuées par les autorités et le signalement donné par téléphone à tous les postes de police de la région, il demeura introuvable. Le chef constable de Guildford, Jonathan Smith, mandé sur les lieux du crime, ne put retrouver les traces de l'assassin. En revanche, il trouva la nièce de la victime, mais Quaker, orpheline une fois de plus, seule, sans le sou, désespérée, terrifiée. Et le chef constable Smith fit la première folie de sa vie. Il termina l'interrogatoire par une demande en mariage. Mais, à bout de force, laissa tomber sa petite tête sur l'épaule solide de l'inspecteur et murmura « Vous me protégerez, n'est-ce pas ?» À quoi il répondit solennellement « Le mari doit aide et protection à sa femme. » Jonathan Smith était toujours solennel, même quand il ne faisait pas de demande en mariage. Mais Jim ne laissa pas ses pensées glisser sur cette pente dangereuse. Jonathan Smith était un honnête homme et un excellent époux. Il tenait parole et protégeait sa femme depuis bientôt 3 ans. Ce n'était pas sa faute si son métier de policier infligeait à May, ultra sensible et hyper craintive, des tortures continuelles, d'ailleurs injustifiées, car le chef constable ne courait guère de danger. Il exécutait son travail consciencieusement et, s'il cherchait la trace des criminels, plus souvent qu'il ne la trouvait, ce n'était dû, certainement, qu'à un concours infortuné de circonstances. D'ailleurs, à Guildford, les événements graves étaient, Dieu merci, très rares, et la police, la plupart du temps, n'avait à s'occuper que d'une rixe occasionnelle d'ivrogne dans un cabaret ou d'une paire de gants volés chez la mercière qui jurait que la criminelle devait être la bonne du charcutier. Ce n'était pas non plus de la faute de Jonathan Smith si son demi-frère, Jim Joy, au moment de l'affaire Lake, se trouvait à Londres, en train d'écrire son premier roman, à la manière d'Edgar Wallace. Demi-frère, pas même, puisque Jonathan était le fruit du premier mariage du second époux de sa mère. Jim n'avait jamais pu pardonner à sa défunte mère d'avoir épousé l'homme qui avait pu engendrer Jonathan Smith. Néanmoins, il ne se faisait pas faute de recourir à ce dernier chaque fois qu'il était démuni de fonds. Dans ce cas, il venait jouer les cadets, frivole mais repentant, à Guildford, au bureau de son demi-frère, qu'il appelait alors un frère et demi. Depuis le mariage romanesque de Jonathan, ses excursions étaient devenues fréquentes, et Jim passait souvent le week-end dans le petit cottage au volet vert et se laissait servir le thé et beurrer les toasts par les petites mains expertes de May Smith. Car la folie de l'inspecteur se trouvait justifiée par ses conséquences. Jonathan Smith, qui avait depuis longtemps réglé d'avance l'état de fortune, la couleur de cheveux, le caractère et l'emploi du temps de sa future femme, mais dont la passion subite avait déjoué tous les calculs, n'aurait pu tomber mieux. Même s'il avait épousé la fille du plus riche épicier de la ville, elle n'aurait pas eu les vertus ménagères de May et n'aurait pas su griller les toasts comme elle. Cette unique et anachronique May ne dansait pas, ne fumait pas, avait les cheveux longs, faisait ses robes elle-même, était économe, douce, soumise. Quelle que fût l'opinion que Jim, en son fort intérieur, pût avoir de Jonathan, c'était ce dernier, et non pas lui, qui avait eu l'intelligence suprême de découvrir et d'épouser May. Mais si Jonathan Smith était honorable, Jim Joy ne l'était pas moins. La femme de son demi-frère était pour lui une sœur, rien qu'une sœur, et ce qu'il aimait et respectait par-dessus tout en elle, c'était sa pureté, son ingénuité. « Mais, petite sœur, » murmura-t-il doucement, se sentant fondre en tendresse saint. Ne craignez rien, calmez-vous. Comment ne craindrais-je rien, grand frère, quand je vous vois en quête d'aventures qui vous mèneront je ne sais où? Vous me faites peur, vous cherchez des femmes fatales. À la façon dont May prononça ces deux mots, Jim éclata de rire et promena un regard affectueusement moqueur sur sa bouche candide à la moue effrayée, ses yeux suppliants, sa petite tête un peu penchée, aux cheveux blonds séparés au milieu par une raie bien droite, son chignon natté et toute sa personne menue et fragile, vêtue d'une blanche robe printanière ornée d'une ceinture bleue. « Ah, May, May, petite ingénue, vous avez manqué votre époque. Même mariée, vous restez une jeune fille du temps de la reine Victoria. Si je ne trouve pas le type de la femme fatale, ni celui du génie criminel, ni aucun des autres personnages indispensables à mon prochain roman policier, je possède au moins celui de l'ingénue. Vous êtes la seule au monde, May, le moule en est perdu. L'ange du foyer, la frêle créature qui donne à tout homme viril l'envie de la protéger. Celle qu'on sauve des sombres dangers, qu'on emporte évanouie dans ses bras. « Je suis à l'abri de tous les dangers, grâce à Dieu, » dit gravement May, « et j'espère ne plus jamais y être exposé. » Jim rougit et s'efforça de plaisanter. « Comment le seriez-vous? Votre demeure est celle de la loi elle-même. La loi est l'âme de la société. » Au son de la voix sonore et solennelle, Jim et May se retournèrent. Le torse droit, le doigt levé, Jonathan Smith se tenait sur le seuil. « La loi, répéta-t-il, est l'âme de la société. » « Une tasse de thé et des toasts, Joe ?» demanda May en lui offrant son front. « Je vous en grillerai de tout frais. » D'un geste, le chef constable balaya la proposition. « Il ne s'agit pas de toast aujourd'hui, mon enfant. Il s'agit bien de la loi. Elle est le moteur de la vie sociale. Ce moteur doit être mis en mouvement. James. » « Oui, mon vieux. Vous me demandez tout le temps des crimes sensationnels. Eh bien... »« Eh bien ? On a volé la quatrième poule de la coquetière ?»« James, l'ironie est la mère de tous les vices. La gravité indique le sens des responsabilités chez un homme. » Si vous vous montrez suffisamment grave, je vous autoriserai peut-être à me seconder dans cette affaire. Quelle affaire? Si vous m'aviez écouté, je vous l'aurais dit depuis longtemps. L'attention est la mère de toutes les vertus. Elle révèle la maîtrise de soi et le sens du devoir. Jonathan Smith, je vous demande quelle affaire? La curiosité? Si vous continuez, les crieurs de journaux clameront demain « Attentat fratricide ». Le chef constable Jonathan Smith, assommé par son frère. Eh bien, les crieurs de journaux clament en ce moment. Sir Patrick Hornsby, propriétaire de White Manor, collectionneur fameux. Tué ? S'exclama May avec un petit cri. Non, enlevé. Enlevé en plein jour, de la façon la plus énigmatique, la plus mystérieuse. Vous savez que Sir Patrick m'avait chargé de veiller sur White Manor, à cause de sa célèbre collection de bijoux antiques qui n'a pas de prix. Un de mes hommes était toujours posté devant la propriété. J'avais tout réglé d'avance, et il est inconcevable que tout se soit déréglé. « Expliquez en détail, » dit Jim, dont les yeux brillaient. « Que s'est-il passé? Quand? Comment ?»« Ce matin, vers 10 heures, si vous n'aviez pas dormi jusqu'à 11 heures, James, vous auriez peut-être assisté à la scène, Lady Gwendoline Hornsby, très agitée, est venue me trouver dans mon bureau. Elle m'a informé que son mari était allé hier dans la matinée à Londres, en auto, en lui promettant de revenir le soir. Elle l'a attendu jusqu'à minuit, puis s'est couchée. Elle était un peu inquiète, car d'ordinaire, quand il est empêché, il téléphone ou télégraphie, mais elle se disait qu'il avait pu être retenu au dernier moment. Ce matin, à 9 heures, elle a téléphoné à leur appartement de Londres, et le domestique lui a dit que Sir Patrick n'y avait pas couché, n'y était même pas passé. À son club, on ne l'a pas vu. L'auto n'a pas été amenée au garage. Affolée, l'épouse s'est précipitée chez moi. Mais 24 heures seulement ont passé depuis son départ. Il peut être chez des amis, un message a pu se perdre, ou qui sait, c'est peut-être une fugue. Exclu. Réfléchissez, James. Le propriétaire foncier le plus honorablement connu de la région, le plus riche, le plus haut situé. Un accident, alors? Il y en aurait trace. Non, on voit que vous n'avez pas lu le journal de ce matin qui a épouvanté Lady Gwendoline plus encore que la disparition elle-même. Vous avez entendu parler du comte di Mirandello, le collectionneur de tableaux italiens? Lui-même, il a disparu. Depuis 3 jours, on l'a désespérément cherché partout avant de rendre la nouvelle publique. Il habite, comme vous devez le savoir, Moon Street à Mayfair, et on l'a vu en dernier lieu sortir de son hôtel privé en compagnie d'une dame qui était venue lui proposer une toile de maître. L'offre l'a intéressé, et il s'est dérangé en personne pour aller voir le tableau chez elle. C'est tout ce que sait son valet de chambre, en présence duquel la dite dame n'a donné ni son nom, ni son adresse. Qu'en dites-vous maintenant, James ? La série de crimes mystérieux s'abat sur Londres, murmura Jean Joy en extase. La sonnerie du téléphone retentit. Le chef constable passa dans le cabinet de travail aussi vivement que le lui permettait sa dignité. « Allô, c'est vous, Jenkins ? Qu'y a-t-il ? Quoi ? C'est bien. Dans une demi-heure, attendez-moi. » Se tournant vers ses interlocuteurs, accouru, se raidissant, ajustant son lorgnon, Jonathan Smith annonça. « On a téléphoné de Scotland Yard pour demander si nous n'avons pas retrouvé les traces de Sir Patrick. On signale la disparition du professeur Von Jammertal, le fameux collectionneur de médailles. » Cette fois, ça y est, glapit Jim, qui ne se tenait plus de joie. Le gentleman anglais, l'aristocrate italien, le savant allemand, 3 types. « Trois quoi ?»« 3 types, mon vieux. Et c'est vous le 4e, l'inspecteur de police simpliste qui ne devine rien. Quoi, quoi, qu'est-ce à dire ?»« Et moi le 5e, le détective amateur qui débrouille tout. Hurrah ! Mon roman est en train. Je n'ai pas le titre, mais ça se trouvera en cours de route. » « mon Dieu !» soupira May. « Quel danger cette histoire vous fera-t-elle encore courir à tous deux ?»« Ne craignez rien, petit ingénu, vous serez miraculeusement sauvés. Et nous deux, qui représentons l'ordre et la loi, triompherons à la dernière page. » « Bien dit pour une fois, James, » approuva le chef constable. « Quelques sandwichs, May, et un verre de stout. Dans une demi-heure, je dois être de retour à mon poste. » « Qu'avez-vous entrepris ?»« Mes hommes parcourent la région sur la piste de l'auto disparue. Nous cherchons à établir par où elle a passé et qui l'a vue en dernier. Est-elle même arrivée à Londres ? C'est ce que nous allons savoir. Après être passée au bureau, je me rendrai au White Manor, chez Lady Gwendoline Ormsby. Vous pouvez m'accompagner. Je vous offrirai le spectacle des officiers de la police dans l'exercice de leurs fonctions. L'intégrité, la perspicacité et la rapidité sont les 3 caractéristiques du policier né. Il est impossible que cette affaire ne soit pas éclaircie. Comptez sur moi, j'ai tout réglé. »